Mimésis. Chapitre 8. Phobos. La boutique est à l'angle de deux rues passantes. S'y rendent, soir et matin, des flopées de petites gens, qui tirent de leurs trouvailles de quoi vivre quelques jours de plus. Ici, on n'est pas trop regardant sur la provenance, tant que la pièce se vend. L'endroit a des allures de brocante, avec ses étagères couvertes de babioles en tout genre. Des morceaux de métal, à première vue sans grand intérêt, partent à prix d'or, et quelques querelles éclatent parfois, d'emblée tuées dans l'œuf par un vigile gros comme un bœuf. Le tenancier, lui, officie derrière une rangée de barreaux. Son verdict est sans appel. La main du marché incarné. Je me faufile entre les rayons. Il y a vraiment tout et n'importe quoi dans ce bouge. Quand je saisis une des boîtes métalliques pour en examiner le contenu, le vigile me fusille du regard. C'est bon, j'ai compris. Dans d'autres circonstances, mon coco, tu ferais moins le malin, je te le dis. Je choisis un objet au hasard et me dirige vers le comptoir. En face de moi, un vieil homme aux cheveux sales et filandreux compte et recompte ses billets. Je pose ma ferraille sur la table. Lui me jauge, méfiant, sous-pèse l'objet puis déniche une petite étiquette qu'il semble le seul à pouvoir déchiffrer. La somme qu'il me demande est clairement exagérée. Je négocie, par principe, et obtiens un léger rabais. Affaire conclue. Qu'est-ce que je veux encore ? Je suis à la recherche de mon vieux pote Phobos, enfin, Simon. J'ai pas de nouvelles depuis plusieurs jours et ça, franchement, ça m'inquiète un peu quand même parce que c'est pas trop son genre, voyez ? Vous l'auriez pas aperçu, vous, avec son œil qui part en couille. Vu la gueule du type en face, je vois que j'ai tapé dans le mille. Le vieux se renfrogne, commence à balbutier et me dit que non, il le connaît pas. Ok, l'ami, merci de ton aide. Je laisse mon nouveau jouet sur le comptoir et sors de la boutique en lançant un grand sourire au videur. Alors, inspecteur, qu'avez-vous trouvé ? Le mec est dans le coin, c'est sûr. Mais j'ai pas trouvé de porte ou de trappe dissimulée. Le mieux, c'est d'attendre un peu que la nuit tombe pour pas trop éveiller les soupçons. Et là, j'irai faire un petit tour du bâtiment. Il y a forcément une cache quelque part. D'ici là, on se planque. Qui sait ? Notre cible finira bien par mettre le nez dehors. Entendu, inspecteur. C'est vous l'expert. Nous allons patienter. Bon, j'ai déjà réussi à gagner un peu de temps. Je me demande s'il me surveille en permanence. Il y aura bien un moment où je pourrai agir. Veiller aussi longtemps m'ennuie. Voir à travers ses yeux n'est finalement pas si excitant. Je me prends à rêver d'imprévisible. Tiens, le voilà qui bouge. Enfin, un peu d'action. La rue, si elle ne désemplit pas, est désormais une rivière de lumière artificielle, percée ça et là par les poches d'ombre d'une architecture anarchique. L'inspecteur enlonge les murs et s'enfonce dans le noir. Dans la pénombre, je m'éclaire discrètement à la lueur de mon smartphone. De l'autre côté, une impasse grillagée, dont la clôture est dessoudée par endroits. J'en soulève un pan et me faufile à l'intérieur. L'impasse donne sur une cour où sont entreposées sous des bâches d'énormes caisses en plastique. Sans trop faire de bruit, j'en vérifie le contenu. La plupart sont vides, ou dénuées d'intérêt, mais l'une d'elles attire mon attention. À bien y regarder, on y a ménagé comme un panneau coulissant. J'essaye de l'ouvrir quand je sens mes poils se dresser. J'ai à peine le temps de faire un pas sur le côté qu'une masse noire me tombe dessus. Dans sa chute, elle laisse échapper une barre de fer qui résonne avec grand bruit sur le bitume. L'homme s'enfuit sans combattre. Serait-ce ma cible ? Pas le temps de réfléchir. Je me lance à sa poursuite. À gauche, inspecteur. Qu'est-ce qu'elle vient me faire chier avec ses conseils ? J'en trime déjà assez, à courir comme un dératé derrière ma proie. Je manque de renverser un clodo qui passe avec son caddie rempli de sacs plastiques et perd de vue ma cible, bordel ! Ah, le voilà, au coin de la rue, qui cherche la protection de la foule. Tirez-lui dans les jambes, inspecteur. Il faut l'arrêter à tout prix. Et puis quoi encore? Si je tire, je vais forcément toucher un des mecs sur ma trajectoire. J'ai une meilleure idée. De toutes mes forces, je prends les gens à partie et crie au voleur en espérant que quelqu'un lui fasse barrage. C'est sans compter l'indifférence de la masse qui fait comme si de rien n'était. L'homme en profite pour s'enfoncer dans une ruelle adjacente. Moi, je dois jouer des coudes pour pas qu'il me sème. Mon cœur est sur le point d'exploser, mais je tiens bon. La rue se vide. J'ai soudain une vue dégagée. Je sors mon arme et crie. Police ! Tirez, inspecteur. Merde, le gars va m'échapper. Tirez. J'ai appuyé sur la détente presque sans m'en rendre compte. Je crois que j'ai touché. Au loin, l'homme trébuche, titube, mais ne tombe pas. Au contraire, dans un regain d'adrénaline, il semble redoubler d'ardeur et il s'enfuit en tournant sec au coin de la rue. Non, mon gars, tu vas pas t'en sortir comme ça. Au fond d'une ruelle mal éclairée, l'homme gît, la tête dans les poubelles. L'inspecteur vient tout juste de le rejoindre. Il peine à reprendre son souffle et tire une tranche déconfite. Un problème ? J'ai réussi à la rattraper. Mes poumons sont en feu, mais j'aurais mieux fait de retenir ma respiration. Dès la première bouffée, je suis pris à la gorge par une forte odeur d'excréments. Le mec s'est effondré dans les ordures et s'est littéralement fait dessus. Allez, gros porc, lève-toi ! Quelque chose cloche. Je le retourne du pied en lui intimant de pas bouger, mais le mec réagit pas. Un filet de gerbe coule le long de sa bouche. Ses yeux sont révulsés. Je prends son pouls. Plus rien. Et merde !